peux m'engager pour tourner à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D.